s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Merci. Mathieu Bocalan. Ça vous a plu? Franchement, quand même, hein. Moi, j'ai fermé les yeux, j'avais Johnny à côté. C'était Joël, on peut l'applaudir encore très fort. C'est la première fois qu'il monte sur la scène du jazz club. Tout est possible. Et maintenant, on accueille Catherine. Bravo, Catherine!